Tiyara, c'est le shirk. Et aucun d'entre nous, en fait, n'y échappe. C'est ce qu'il veut dire par là. Cependant, Allah le fait partie avec le tawakkul. Même en Ahaza, ce mauvais présage, tu peux le ressentir en toi. Comme un waswas. D'accord ? Seulement, cependant, tu le repousses. Comme quelqu'un, il prend sa voiture et dit, je vais faire un voyage, je vais aller jusqu'à Al-Hami. Sort chez lui, il se dit dans le bas, il voit un gros accident. Il dit, ça lui fait un peu peur, tu vois. Voilà, il voit la voiture retourner, il voit les gens tourner, il dit, ah là là. Et tu t'en dis direct, tu fais, regarde ce qui peut t'arriver à toi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Il pousse ça, il dit, ah là, ma yarnine, ça ne concerne pas ça. Le tabacoul, il dit, je pars. Ça ne veut rien dire, ça. Un accident, ça arrive à un tel, c'est pas un signe, ça ne veut rien dire. Mais, quand il y a trop fait colbic, d'accord? Ou t'as entendu des gens qui ont des accidents la veille, un tel, il arrive telle chose, quand tu parles le lendemain, tu vois que c'est devant toi. Tu dis, subhanallah, ça vient devant mes yeux maintenant, là. Là, ça, tu repousses. Hein? Si t'as pris salat istikhara, tu tombes sur des choses comme ça. Mais ces signes-là, par rapport à Stikhara, Stikhara, c'est quoi? C'est en fait, c'est demander qu'Allah qu'il ouvre les portes. Si c'est un bien, qu'il facilite. Si c'est un mal, qu'il l'éloigne de toi. Ça veut dire, ça te donne rien. La route, elle est ouverte, ta voiture, elle marche. Si tu as fait une bonne Stikhara, tu vas regarder le contact, la voiture ne démarre pas. C'est-à-dire, Allah, ça ne veut pas que j'y aille. Tu vois, Masalan. Ou tu crèves ton pneu. Ou tu viens pour faire faire le plein, il n'y a pas d'essence. Tu dis, ah, ça c'est concret. Ah, mais tu vois ça, ça ne rentre pas dedans, ça. Tu vois? Comme quelqu'un qui fait istikhara avant de se marier. Il voit une sœur et tout, il veut se marier avec elle. Il fait istikhara. Et le lendemain, il entend qu'un frère, sa femme, elle a eu des rapports avec un autre homme. Il dit, là, il n'y a pas, ça, ça ne te concerne pas, ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. Toi, l'istikhara, ça va être par des faits qui vont t'amener à ce que les portes se ferment. T'arrives pas. Tu veux aller, la sœur, elle veut, son père, il veut pas. Après, il y a un autre événement, tu peux pas. Après, un truc, tu peux pas. Tu dis, les portes, elles se ferment tout le temps, c'est que c'est pas bon pour moi. Ah. Ou vraiment, autant, tu ressens pas la chose. T'as fait l'istikhara, tu dis, ah, Marta. Tu vois, Marta. Ah, mais les choses comme ça, externes, ça rentre pas dedans, ça. Tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou. Et t'en as eu un là-dedans, tu vois. Il dit, ça arrive à un tel, ça c'est mauvais signe. Il dit, il n'y a pas de mauvais signe. Dis pas ça. Maya Jouz, avec elle. Il n'y a pas de mauvais signe. Dans cette situation-là. C'est une chose qui ne te concerne pas. Tous les jours, tu as des femmes qui trompent leur mari. Tu ne vas jamais te marier, ça veut dire. Tu veux partir à l'accident de voiture. Tous les jours, comme l'accident de voiture. Tu ne vas jamais partir de chez toi, ça veut dire. Là, laisse ça. Anna Maya Anik. Maya Anik. Et t'en as, justement, ils servent de ça pour faire peur aux gens. Et le fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est contraire. T'as des gens, par exemple, ils ont peur de l'avion. D'accord? Ils ont peur de l'avion. Ils doivent partir en voyage le lendemain. Avec une phrase, tu peux le dire. Son voyage, tu lui annules. Tu dis, t'as vu ce qui est passé l'autre jour, le Airbus 30, il est tombé et tout. Ok, c'est suffisant. Ah ouais. Khalas, je pars plus. Il part plus. Oui, je vais prendre le train. Ou je vais prendre la voiture, c'est bon, je laisse l'avion, tu vois. Ah, faut pas croire, quoi. Quand il a une phobie, Harry, ah, tu lui gaspilles la vie. Un truc comme ça, tu lui gaspilles la vie. C'est comme si dans l'avion, regarde, les gens, ils sont dans l'avion. Dans les longues, des longs trajets avant, je me rappelle, quand on est allé en Martinique, c'était 8 heures de vol, mettez deux films. Toujours un film qui le mettait bien. Tu vois qu'ils vont mettre un film de catastrophe aérienne. Ben, c'est fini, Harry. Si pour ça, c'est fini. Les gens, l'avion, avant d'atterrir, ils sautent de l'avion, tu vois, ils ont peur. Ça, voilà, tu vois ça, ça va rentrer dedans. Tu vas mettre un film, et le lendemain, dans l'avion, les gens, tu mets un film, un avion qui tombe. Tu vois que c'est marrant cool de faire ça. Non, il voit tout un film qui a un truc avec, je sais pas moi, qui parle d'amour, qui parle de sécurité, tu vois, les gens sont apaisés. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai vu un film, c'était quel film? Les Dents de la Mer. C'est l'un des rares films qui m'a effrayé. J'ai vu plein de films quand j'étais plus. Films d'horreur, j'aimais bien ça, mais ça me faisait pas peur, vraiment. Deux films m'ont fait peur dans ma vie. Vraiment, peur. Les Dents de la Mer. Parfois que j'ai vu le film, j'étais petit encore. J'étais effrayé. Tel point que je dis à ma mère, c'est que c'était les requins de terre. Dans mon lit, j'ai peur qu'il y ait un requin qui vienne me bouffer. Et le lendemain, on est à la piscine avec l'école. On est le centre aéré. je te raconte pas comme dans la piscine, hein. J'étais en panique. Et deuxième film, c'était, ça s'appelle L'Enfer des Zombies. J'étais en Martinique. Sur l'île perdue tropicale, en plus. Ma grand-mère habite en face du cimetière. Le film, on a regardé là, face du cimetière. Donc, il y a tous les éléments pour m'effrayer. Et c'est des zombies qui sortent de leur tombe sur une île tropicale et qui font, tu connais les zombies, les films. Et voilà, ils tuent tout le monde. Donc moi, je suis petit, je vois ça, en face de chez moi, il y a ma grand-mère. Là, il y a, en face de chez ma grand-mère, un cimetière. D'accord? Il y a des palmiers, c'est la brousse comme dans le film. Tu vois? C'est la mer, c'est les tropiques. Tu vois que dans ma tête, il se passe quoi? J'ai pas dormi de la nuit. En Martinique, je suis sans couverture. J'étais sous la couverture en train de dégouliner le sueur. Il n'y a pas de sang à ma tête. Sauf que le jour se lève. Là, ça allait. Mais après, c'est parti. Mais cette nuit-là, j'étais traumatisé. Traumatisé. Pourquoi? Car c'était lieu à ma situation, tu vois. Là, c'était lieu à ma situation. J'aurais vu dans la mer en Martinique, c'est même pas la peine. Me dis pas, tu vas à la mer. C'était pas la peine. J'avais dit oublier entre temps, tu vois. Tu m'aurais mis les dents de la mer en Martinique. C'est fini. Même pas juste sur le sable. Tu m'amènes pas à la mer. Donc ça joue sur le. D'accord? Ça joue sur le truc des gens. Et c'est stupide, hein, parce que des films, ils font peur, ils effraient les gens, tu vois. Avec des romans, des histoires. Des histoires qu'on raconte aux enfants quand c'est petit avant de dormir. Ah, l'enfant, il dort plus de la nuit. Je me rappelle quand j'ai fait mon BAFA. Je passais mon BAFA. Il me disait bien, ne jamais effrayer l'enfant avec des histoires. Car dans toutes les vacances, c'est le traumatisé. Ça traumatise grave. Moi, petit, des monos, ils ont fait des coups de frayeur. C'était impressionnant. C'est l'erreur à pas faire. Un enfant, tu le traumatises. Le moins, toute sa vie, il va jamais oublier. Eh ben, nous aimions, on va faire. Ne jamais effrayer l'enfant. Pas d'histoire d'horreur, comme ça, endormir, là, oublier ce machin-là. Surtout, encore, les grands, ça va. Les petits, là, fais pas ça. Toute la nuit, il va pleurer, il va appeler sa mère, toi, tu vas être... À cause de quoi? À cause de toi. Tu vois? À cause de toi. Là. T'as une histoire à raconter, raconte une histoire qui est apaisante, qui est rassurante, qui le fait rêver selon où je parle. Hein. Et voilà. Donc ça, c'est même les koufars, ils prennent en compte ça. Ils prennent en compte ça.